Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Ma cassette, mon argent, le colbertisme pour enrichir la France. En 1775, paraissent des éclaircissements demandés à Monsieur Necker sur ses principes économiques. C'est rédigé par l'abbé Baudot. Oui, cet auteur aurait tendance à critiquer les principes de Colbert adoptés par Monsieur Necker. Selon lui, il écrit que le colbertisme est un système très singulier. Il n'est ni juste, ni, je crois, une politique bien réfléchie. Quoi donc ? Le système imaginé par Colbert ne serait pas apte à affronter les tempêtes économiques ? Il ferait naufrage si facilement ? Et non, le colbertisme tient la mer. En même temps, à Brest, en présence d'une assistance considérable, M. Anxionnaz, secrétaire d'État à la Marine, présidait à la mise à l'eau du Colbert, croiseur anti-aérien de 8500 tonnes, le premier grand navire de combat sorti de nos arsenaux depuis la guerre. Mais le Colbert n'est pas seulement une belle unité. Il est surtout un symbole, celui de la renaissance de la flotte française. Bonjour Martial Poisson. Bonjour Xavier Mauduit. Alors là, nous avions le lancement du croiseur, le Colbert, en 1956, qui marque la renaissance de la marine française. Peut-on dire que Colbert marque la renaissance de la marine française, mais alors là, au XVIIe siècle ? Colbert marque le passage à la modernité de l'économie française à bien des égards. En effet, sur la mer comme sur la terre, il est un des grands initiateurs de la politique de réforme de l'État. Et même si, comme vous l'a montré votre première archive, il y a des moments où on a contesté cet héritage, il reste extrêmement opérant en fait dans le positionnement de la France en Europe et dans le monde. On parle très tôt de colbertisme d'ailleurs. C'est étonnant de voir que le nom d'un homme est associé à un tel modèle économique. D'ailleurs, il faudrait préciser, c'est quoi le colbertisme ? Alors le colbertisme, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est tout d'abord l'idée que l'État a un rôle majeur à jouer dans l'économie. Colbert arrive à la suite d'une longue dynastie de ministres d'État, de grands conseillers du prince, qui étaient plutôt des conseillers sur le plan militaire et stratégique. Et tout à coup, il est l'initiateur de l'idée selon laquelle la royauté a son rôle à tenir face aux règles de l'échange et du marché, dans une conception qui est à la fois très protectionniste, la taxe Colbert, on va taxer les produits à l'entrée, qui est également extrêmement moderne pour l'époque, puisqu'il a compris que le positionnement de la France sur les manufactures du luxe, l'artisanat d'art, tout ce qui fait finalement le fleuron de l'économie française jusqu'à nos jours, était un élément tout à fait fondamental dans la structuration de la balance des échanges, en fait. En gros, on importe des produits à faible valeur ajoutée et on exporte des produits à forte valeur ajoutée incorporée, ce qui permet en fait à la France de siphonner d'une certaine façon la monnaie mondiale et de se positionner finalement comme un acteur majeur, une grande puissance économique dès la fin du XVIIe siècle. On peut dire tout de suite, malgré tout, que l'idée d'une balance commerciale, le mot n'existait sans doute pas, c'était antérieur, l'idée que plus on dépense, plus il faut de ressources ou alors faut équilibrer l'un et l'autre. C'est pas Colbert qui invente ça. Non, mais Colbert va quand même aller très loin dans ce qu'on appelle à l'époque, et bien avant lui effectivement, le mercantilisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la puissance d'un État dépend de la quantité de stock d'or disponible dans les caisses et donc de sa capacité à vampiriser finalement l'économie mondiale, à créer un échange inégal entre ce qui sort et ce qui rentre dans le pays. Et puis Colbert, c'est aussi l'initiateur de l'interventionnisme de l'État en matière de culture notamment, puisqu'il est à la fois surintendant des finances, secrétaire d'État à la Maison du Roi, mais également surintendant des bâtiments, arts et manufactures. Donc c'est quelqu'un qui a à cœur de mettre en place, même si le terme est lui aussi anachronique, une véritable politique culturelle fondée sur la commande par le prince, fondée sur la gratification des artistes, la surveillance également des artistes, évidemment, en contrepartie. On ne mord pas la main qui nous nourrit. Donc une politique de prestige, là aussi, à la fois à l'intérieur des frontières et en dehors, puisque c'est aussi un des inventeurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power, l'idée que le rayonnement de la France passe aussi par son positionnement comme patrie des arts et de la culture. D'ailleurs, le mot colbertisme, on l'entend régulièrement, c'est ressorti pour critiquer ou alors favoriser certaines politiques économiques. Et aujourd'hui, pour parler de Colbert, dans le cours de l'histoire, Philippe Minard, bonjour. Bonjour. Et dites-nous, il vient d'où Colbert ? On dit toujours, c'est un bourgeois que Louis XIV a transformé en ministre. Vous pouvez nous rappeler un peu ses origines à cet homme-là ? Oui, la famille Colbert est ancrée en Champagne, dans le commerce au départ. Donc ça, c'est pas faux. Au départ, c'est bien une famille de marchands. Mais en revanche, ce qui est un peu exagéré ou distordu dans la légende et est devenu légendaire dans la saga Colbert, c'est le fait que un simple marchand drapier serait du jour au lendemain devenu ministre. En fait, Colbert est le produit d'une longue accumulation familiale de capitaux symboliques et de position dans l'État. Lorsqu'il se trouve aux côtés de Mazarin, il a un certain héritage. Il a un grand-oncle qui a été secrétaire du roi, donc officier du roi. Il a un père qui a été officier de finance en même temps qu'il était marchand et banquier. Il a un arrière-cousin qui est le beau-frère du ministre de la guerre. Le lien est lointain, mais n'empêche que c'est bien le ministre Michel Letellier qui va l'introduire dans les arcanes du pouvoir à Paris, lorsque la famille vient s'établir à Paris, pour des affaires de commerce, mais aussi de banque. Et il devient donc secrétaire auprès de Michel Letellier, qui l'introduit auprès de Mazarin, et c'est Mazarin qui fait toute son éducation. Et donc, le petit Colbert, il est dans les arcanes du pouvoir depuis bien longtemps. Et en 10 ans, de 1655, lorsque il arrive aux côtés de Mazarin, jusqu'à 1665, le moment où il deviendra ministre avec beaucoup, beaucoup de portefeuilles, eh bien, il a fait une carrière fulgurante. Il a réussi à éliminer Fouquet et il est devenu auprès du roi, qui est 19 ans plus jeune que lui, l'homme indispensable, l'homme à tout faire, l'exécuteur de toutes les grandes œuvres auxquelles ambitionne Louis XIV. Donc le petit marchand drapier, non. c'est une longue stratégie d'ascension sociale, d'accumulation de tous les signes extérieurs et intérieurs de pouvoir qui le propulse à cette position. Et puis cette rencontre avec Mazarin, nous sommes à un moment particulier parce que c'est toujours pareil, il faut rappeler combien le règne de Louis XIV est long et que le Louis XIV du début, ce n'est pas le Louis XIV de la fin. Et d'ailleurs, ce début, c'est avec Mazarin. Martial Poisson, Louis XIV ne fait pas ce qu'il veut. Donc il y a Mazarin, il y a Fouquet. Rôle important de Fouquet, hein. Oui, tout à fait. Alors qu'on a opposé ensuite, évidemment, à l'héritage du colbertisme, un ministre prodigue, amateur de fêtes et d'art, opposé à un ministre austère, garant du respect des finances publiques, etc. Alors cette opposition est un peu forcée, mais en effet, il y a effectivement une rivalité dans le début du règne entre deux postures qui sont aussi les deux tendances, finalement, de ce que sera le règne de Louis XIV. Un côté fastueux et flamboyant, avec un goût très prononcé et assez sincère de la part du roi Louis XIV pour les arts, un roi de danse, de chasse et de plaisir, et puis en même temps le grand organisateur de l'État moderne, capable de faire des coupes sombres quand il le faut et d'exercer le pouvoir de plein droit. D'où ce mythe selon lequel il aurait fait un coup d'État pour la prise de pouvoir de son propre pouvoir, alors qu'il est ministre depuis, monarque depuis l'âge de 5 ans et que tout à coup il décide d'exercer un pouvoir personnel. On a vraiment un couple finalement, Louis XIV-Colbert, qui est très très fondamental, homme à tout faire, j'aime beaucoup l'expression qui vient d'être employée, et un périmètre en fait d'action qui sera donné à Colbert, peut-être sans égal parmi ses prédécesseurs en tout cas. Philippe Minard. Colbert est dans une position sans cesse contradictoire. Il est dévoué au roi. Il fait tout pour la gloire du roi. La gloire de la France, pour lui, c'est la gloire du roi. Donc, en ce sens, il est parfaitement un homme de son temps et de son milieu. Mais le roi a des désirs que Colbert désapprouve. La guerre parce qu'elle est très très coûteuse et qu'elle met en péril les finances. Versailles qui va coûter une fortune. Toutes les opérations dispendieuses ou jugées dispendieuses par Colbert que prend Louis XIV, qu'il est obligé de suivre parce que en tant que ministre des Finances et principal ministre, il doit assurer l'intendance, alors qu'il désapprouve cette politique guerrière, belliqueuse au sens militaire. Pour Colbert, la guerre elle est ailleurs, elle est commerciale. Il fait des efforts désespéré pour rétablir les finances. Au bout de 10 ans, il y arrive, et c'est le moment où Louis XIV se lance dans des guerres très très coûteuses et qui mettent tout à bas. Tous les efforts de Colbert, en quelque sorte, dans la deuxième partie de sa vie de ministre, sont, dans les années 1670, pardon, vont être ruinés par les guerres de Hollande. Donc il est vraiment dans une position contradictoire avec un roi qui ne fait pas ce que Colbert voudrait. Il désapprouve certaines parties de cette politique et pourtant il est bien obligé d'y pourvoir. Et dans cette histoire-là, il y a toujours la question de la pensée, de l'origine de la pensée. Pour Colbert, on entend bien tout ce que vous nous dites sur ce temps long du règne de Louis XIV, bien sûr, et puis de Colbert auprès de Louis XIV. Philippe Minard, la pensée de Colbert, ça vient d'où? D'où lui viennent ces idées? C'est-à-dire que peut-être parce qu'il n'est pas issu d'un milieu qui est purement proche du roi et aristocratique, peut-être par son parcours, il a développé une idée économique particulière? Alors, oui et non. De fait, il y a l'héritage marchand et banquier de la famille Colbert dans sa branche de Reims, dans sa branche de Troyes, puis ensuite à Paris. Mais au-delà de cette expérience pratique qu'il a pu apercevoir, il n'est pas très original. Je veux dire que le mercantilisme dont vous parliez il y a quelques minutes, on en lit les linéaments dans la politique de Sully, dans la politique de Richelieu. C'est ce qu'il a pu lire dans les traités de Barthélemy de La Femas. Il n'y a rien d'original dans le colbertisme est au fond un banal mercantilisme. Ce qui est original, c'est le caractère systématique de la mise en œuvre. Mais l'idée que la richesse monétaire à l'échelle du royaume et même de la terre est fixe et que cette richesse ce sont les métaux précieux. La vraie richesse pour les mercantilistes, on dit qu'ils sont bullionistes ou chryso-édénistes, si l'on veut faire un peu pédant, la vraie richesse pour eux c'est l'or et l'argent. Or le stock d'or et d'argent à l'échelle du royaume il est fixe, pense-t-il. Et donc la richesse est fixe, ce qui induit l'idée que le commerce international doit opérer des effets de compensation. C'est pour ça que Colbert appelle sa politique la guerre d'argent. « Je mène une guerre d'argent », dit-il. C'est une guerre commerciale, c'est une guerre pour exporter le plus possible des produits manufacturés et importer le moins possible. Si on importe, ce ne doit être que des matières premières, pour les transformer et ensuite exporter. Et dans cette idée-là, c'est fondamental pour comprendre la pensée économique du XVIIe siècle, l'idée que la richesse est quelque chose de fixe. La notion de croissance est extérieure, est étrangère à la pensée des hommes du XVIIe siècle. C'est seulement les économistes du XVIIIe qui développeront l'idée de la croissance. Autrement dit, la richesse pour les hommes du XVIIe et pour Colbert, c'est comme un gâteau dont... si vous voulez grossir votre part, cela ne peut se faire qu'au détriment de la part des autres. Si je m'enrichis, c'est en appauvrissant les autres. Donc c'est pour ça que le commerce international est cette guerre d'argent. Si importante cette guerre d'argent avec la recherche de l'or, mais vous savez qu'au XVIIe siècle, du temps de Fouquet, de Mazarin, il était possible de fabriquer de l'or. Quelle est cette bouillie? Le plomb d'or. La chaleur est telle que le plomb absorbe l'or contenu dans le minerai. Ça, l'or, je le savais bien. Vous ne savez rien. La coupellation proprement dite commence. Nous chauffons ce plomb d'œuvre dans cette briquette en cendre d'os. La cendre, l'os, je vous tiens, pèlerin. Toute matière de sorcellerie. Voyez-vous, Angélique, le plomb pénètre dans la cendre. L'or pur reste dans la cavité. Si ce plomb ne devient jamais de l'or... Activez le feu. Pèlerin, n'essayez pas de m'abuser encore. Vous trompez l'homme peut-être, mais pas Dieu. L'or, c'est la prunelle de Dieu, Angélique. Blasphème ! S'il était si facile de fabriquer de l'or, ça se saurait, tout le monde en ferait. Oh, barbe celui-là ! Tout le monde connaît aussi les sept notes de la gamme, mais seul Monsieur Lully sait faire des opéras. Eh oui, elle a de la répartie, Angélique, marquise des Genres, bien sûr, c'est Michel Mercier avec Robert Hossein, Geoffroy de Perrac. Dans ce moment du XVIIe siècle, on entend ce que vous nous dites, enfin moi j'écoute, la réserve d'or, d'argent, et fixe, malgré tout, il y a quand même ce paramètre des Amériques, des Indes. Il y a quelque chose à prendre en compte, l'idée que l'or peut venir en masse ou c'est hors de cette considération de Colbert? Alors Colbert a évidemment un rôle très important dans le développement des colonies et des Indes orientales et occidentales, dans le développement des routes commerciales et la mise en œuvre d'un système d'exploitation, effectivement. Hein, alors c'est le début du pillage des richesses, effectivement. Si on est en Europe dans un jeu à somme constante, alors il faut aller chercher à la fois des marchés, des débouchés et des ressources ailleurs. Donc il y a une sorte de tropisme comme ça qui se met en place et dont on connaît les conséquences, même si Colbert a peut-être été associé de façon un peu excessive en raison de son rôle dans la rédaction du Code Noir à toute cette affaire-là. En fait, il va mourir avant que le système prenne les dimensions que l'on connaît. Mais en tout cas, voilà, il est un des initiateurs, effectivement, à travers cette vision géopolitique et un peu globale de l'économie, de cette recherche à la fois de débouchés et de ressources par les marges. Philippe Minard, on peut s'arrêter sur ce moment de Colbert, des colonies, et puis ce que vient d'évoquer Martial Poisson, l'idée même aujourd'hui du Code Noir qui fait qu'une image sombre est accolée à ce nom Colbert. Oui, alors là, les historiens sont bien embarrassés devant cette situation qui pose la question des lectures contemporaines et des éventuels malentendus. Je veux dire que la destruction des statues de Colbert ou le fait de vouloir retirer son nom du fronton des écoles, on peut avoir une très grande sympathie pour ce que cela révèle de la douleur mémorielle par rapport à la colonie et au legs de la colonisation, toutes les horreurs qu'elle signifie. Simplement, Colbert, prendre Colbert comme bouc émissaire, en l'occurrence, c'est un petit peu tapé à côté, dans la mesure où Colbert est certes un de ceux qui a développé le colonialisme et favorisé la présence française aux Antilles. Mais en cela, il est juste l'homme de son temps, et un autre à la place aurait fait la même chose. Et d'autre part, Jean-François Niort, qui est un juriste qui est à l'université des Antilles et qui a étudié de très près le Code Noir, a bien montré que le Code Noir est un texte éminemment contradictoire en ce que d'un côté il traite très très sévèrement les esclaves, mais en même temps il les considère comme des œuvres de Dieu, donc que l'on doit évangéliser et baptiser. Autrement dit, ils sont pas du tout exclus de la communauté des croyants. Le Code Noir vise surtout à encadrer la violence des colons et à la limiter. Alors bien sûr, le niveau de violence qui est inscrit dans le code nous paraît odieux, mais si on le replace dans le contexte de l'époque, il vise à limiter les dégâts, si j'ose dire. Et donc il y a on a le même type de malentendu que celui que Jean-Clément Martin a dénoncé au sujet de la terreur, qui la violence terroriste du gouvernement révolutionnaire de la République française, de la première République française, visait à éviter les débordements, à encadrer les choses. Il faut faire un petit effort de distance pour comprendre la complexité des objets que l'on étudie, et en l'occurrence le Code Noir est souvent mal compris. Mais bien sûr, c'est être tranquille derrière sa chaise et son micro que d'expliquer ça. Ça ne nie pas du tout ce que peuvent être la douleur de l'héritage colonial, bien sûr. Mais je voudrais revenir sur les moyens de la politique de Colbert au-delà de la colonisation. S'il faut faire venir en Europe des métaux précieux dont on sait que les principaux gisements sont en effet au Mexique et au Pérou, il faut produire des choses. Et comme c'est pas l'agriculture qui peut permettre les exportations, puisque la France crève de faim et peine à nourrir sa population, c'est du côté de l'industrie qu'on se tourne. Et il faut vendre. Il faut vendre pour exporter et ainsi faire venir les métaux précieux en France. Il faut donc mettre la France au travail, et Colbert déploie tout un arsenal d'instruments pour consolider la balance commerciale. Ce sont les tarifs douaniers, donc c'est la version la plus élémentaire que nous retenons aujourd'hui du colbertisme, son protectionnisme. taxé fortement à l'entrée et le moins possible à la sortie, et taxé surtout à l'entrée les produits manufacturés plutôt que les matières premières dont on a besoin. C'est le développement de la marine aussi, que ce soit, alors pour Colbert c'est surtout la marine commerciale, la marine marchande, pour le roi ce sera aussi la marine de guerre. Les compagnies de commerce aussi sont très très importantes. Tous ces instruments visent à promouvoir les exportations, et ensuite il faut promouvoir l'industrie elle-même avec une politique d'innovation, d'incitation, de qualité des produits dont on pourra reparler si vous le souhaitez tout à l'heure. Non, mais nous pouvons en parler maintenant, Philippe. Alors, parce que je trouve que allons-y, parce que c'est extrêmement clair ce que vous nous dites, et nous sentons bien, enfin moi, en vous écoutant, que le colbertisme, c'est pas le mercantilisme exactement, c'est le protectionnisme en partie aussi. Enfin, on sent qu'on a une voie intéressante qui est dans la continuité de ce qui se passait avant, mais avec des innovations adaptées au moment, parce que bah oui, le commerce change aussi. Oui, oui. Et la promotion de l'industrie est extrêmement importante, avec une politique d'innovation. Colbert est, de fait, vous avez tout à fait raison, dans son application systématique, comme on l'avait jamais vu auparavant, de la pensée mercantiliste. Cette politique d'innovation, eh bien, elle repose sur l'idée qu'on va soutenir les savants. Donc, on va embrigader l'Académie royale des sciences, à laquelle Colbert porte un attachement tout particulier. On va aussi faire venir des techniciens étrangers, les faire venir en les attirant par de l'argent, mais quelquefois aussi en utilisant des méthodes d'espionnage industriel. On va envoyer des espions à Venise pour voir comment Venise réussit à faire ces magnifiques verres, ces magnifiques miroirs que Louis XIV voudra faire venir pour la Galerie des Glaces à Versailles. On va aller chercher un Van Robet, par exemple, un technicien hollandais de la tapisserie, pour l'installer dans une manufacture. Et cette politique d'innovation et d'incitation, elle passe par le mécanisme du privilège. Le privilège, c'est vraiment le moyen particulier de stimuler l'industrie lorsque l'entreprise privée est défaillante, si j'ose dire. Donc on va donner des privilèges, c'est quoi? C'est d'abord de l'argent, des subventions. Ensuite c'est un label. Celui qui reçoit un privilège royal, il peut disposer du titre flatteur de manufacture royale, manufacture du roi. Elle n'appartient pas au roi bien sûr, elle est simplement subventionnée et soutenue, mais c'est un label de qualité et de promotion publicitaire formidable que de pouvoir être manufacture royale. Le privilège, c'est enfin un monopole commercial sur les produits que l'on fabrique, un monopole qui est temporaire, un monopole qui est régional, mais quand même très très important. Et puis le dernier élément de cette politique de promotion de l'industrie, c'est une politique de la qualité. Colbert a bien compris que c'est sur le haut de gamme que se joue la guerre commerciale internationale. Donc il va soutenir une production haut de gamme. Et cette production haut de gamme, pour en garantir la qualité uniforme, il reprend les règlements de fabrication dont les acteurs avaient convenu entre eux, ces règlements qui étaient municipaux ou bien corporatifs ou bien simplement locaux à l'échelle de ce qu'on appelle une fabrique, c'est-à-dire un ensemble de fabricants dans une région. Et ces règlements, il les systématise. Alors on a beaucoup ri, on s'est beaucoup gossé, en particulier ultérieurement du côté libéral, de ces recueils des règlements de fabrication qui faisaient plusieurs volumes et qui détaillaient avec une infinie précision les spécifications de chaque toile, de chaque drap, de chaque soierie. Mais ce n'est pas Colbert qui les a inventés, ce sont les fabricants et les commerçants qui les avaient mis au point, dont ils avaient convenu ensemble, et simplement Colbert les universalise, considérant que c'est là le moyen de garantir une qualité uniforme et surtout la confiance sur les marchés extérieurs. Nous sommes dans un monde fragmenté, dénivelé, où l'information circule beaucoup plus lentement qu'aujourd'hui, où les marchandises mettent longtemps à arriver. On a beau envoyer des échantillons, ça ne suffit pas. Il faut instiller de la confiance dans ces circuits internationaux qui sont si complexes avec de multiples intermédiaires. Et la marque de fabrique française, l'espèce de marque NF que l'on peut apposer sur les produits, par le contrôle de qualité que font les inspecteurs des manufactures, notamment sur les pièces textiles, cela permet de donner de la confiance et cela permet de garantir les circuits d'exportation et de fluidifier la circulation des marchandises. C'est pas du dirigisme comme on a tendance à le caricaturer au 19e siècle, c'est le meilleur moyen, dans les conditions spécifiques de l'époque, pour assurer les débouchés. La confiance. La qualité fait le débouché. Ça, c'est le grand thème de l'époque. La qualité fait le débouché. Et la qualité, il faut l'exposer. Alors, la qualité absolue, ultime, magnifique, et pourquoi pas dans un grand château. Monsieur le Vau, monsieur le Nôtre, je veux un jardin féerique, des parterres, des bassins, des fontaines, des forêts. Tout doit se construire à partir de cette perspective. Plate, sire. La campagne de Versailles est désespérément plate. Le sol est un cloaque. Sur les collines, il y a les arbres. Mais là, partout, ce ne sont que marais. La nature se plie comme les hommes. Je le veux, vous le ferez. Mettez 1 000, 3 000 ouvriers s'il le faut. Plantez des arbres adultes. Ici, nous construirons un canal large comme une mer. J'y ferai voguer mes galères. Et les statues, le veau, les statues, nous en parlerons. Les groupes dans les bassins aussi. Là, nous construirons un labyrinthe où me perdre avec qui rêve de me retrouver. À côté, le théâtre de verdure pour les pièces de Monsieur Molière. Il me fera des fêtes sans rival. C'est le film de Gérard Corbiot, Le Roi danse, enfin Le Roi dépense aussi avec Versailles. Marcel Poisson, bah oui, on a un roi, Louis XIV, dépensier. Alors on l'a dit pour la guerre et puis évidemment pour Versailles. Et d'un côté, nous imaginons un Colbert qui regarde un peu à la dépense. Mais en fait, ces deux démarches participent de la même idée. C'est montrer la prospérité du pays. Le pays marche bien, va bien, le château le montre, et puis la politique économique de Colbert aussi. C'est sans doute pour ça qu'ils s'entendent, même s'il y a toujours ce problème de trop de dépenses royales. Oui, alors ils partagent l'idée selon laquelle la postérité vient plus de la gloire que de la guerre, en fait. Et même si Louis XIV est de fait un roi de guerre, ce dont Colbert se plaint souvent, c'est d'abord et avant tout un roi de gloire qui recherche non seulement la qualité mais l'excellence dans les arts. Il nous fera des fêtes sans rival, comme c'était dit dans le film. Une véritable politique de la grandeur, du rayonnement national et qui passe par l'encadrement des professions artistiques avec cette intuition géniale selon laquelle si on donne les pleins pouvoirs aux artistes, alors il n'y aura même plus besoin de les contrôler puisqu'ils travailleront de fait à la fois à leur gloire et à la nôtre. Et donc, on a un règne qui se caractérise par un très faible usage de la censure, finalement. Louis XIV, c'est un des rois qui sont le moins intervenus dans le domaine des arts, pour la bonne et simple raison que la stimulation repose sur un système de gratification et d'incitation beaucoup plus que de contrôle et de contrainte. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec notamment ces grandes fêtes royales dont le monde entier parlait à l'époque, même si on est encore très très en amont, comme le montrait l'extrait du Versailles qu'on a pu connaître et que Louis XIV lui-même ne connaîtra pas puisqu'il se terminera après son règne. Mais en tout cas, on a l'idée qu'il faut créer des outils de gouvernement qui reposent sur le faste et la magnificence. Et il y a un texte très important de Louis XIV, les mémoires adressées au dauphin, où il théorise cette idée-là en disant « on me reproche mes dépenses ». Donc là, c'est une allusion effectivement au thème récurrent d'un Colbert qui cherche à endiguer ses dépenses somptuaires. Et en fait, le roi répond en disant que l'argent ne peut pas être mieux engagé puisque c'est à la fois un outil de gouvernement, ça permet notamment d'être aimé de ses sujets, ce qu'il dit très littéralement, on leur offre des fêtes fastueuses qui feront que finalement notre image est glorifiée sans qu'on ait besoin de les contraindre, et puis un outil d'ambassade puisque les étrangers qui viennent en nombre à la cour à cette époque-là et qui viendront de plus en plus nombreux vont ensuite colporter dans le monde entier la grandeur et l'excellence de la politique culturelle de la France. Donc il y a une sorte de réflexion très moderne sur l'idée que ces dépenses dans les arts permettent en fait d'avoir des effets de notoriété et donc d'avoir des retombées, y compris commerciales, notamment sur le positionnement qui était évoqué tout à l'heure, dans le domaine de les normes de qualité dans les manufactures, un commerce du luxe, une industrie de prototype, une industrie de la créativité qui va effectivement faire la marque de fabrique de la France et aussi un avantage comparatif par rapport à ses voisins. Oui, ça veut dire qu'investir dans les arts, c'est pas investir à fond perdu. Martial Poisson, vous êtes professeur d'histoire culturelle à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Le Molière imaginaire, les mythes qui ont fait la légende, c'est le Opuf ou Molière, la fabrique d'une gloire nationale, publié aux éditions du Seuil. Vous êtes le spécialiste de Molière. Dès lors, la question, trouve-t-on un peu de colbertisme évoqué chez Molière ? Alors, on le trouve à plusieurs égards. D'abord parce que Molière est le premier à évoquer, notamment dans ses comédies, un personnage de financier. Dans La Comtesse d'Escarbagnas, on retrouve un monsieur Arpin qui est contrôleur des impôts à Angoulême, qui fait la perception de l'impôt et qui, au départ dans la pièce, est dans une sorte de relation de dupe avec une comtesse de province, voilà, qui multiplie les prétendants, dont ce financier, ce fermier général. Et en fait, le personnage a le dernier mot puisque, se rendant compte en fait qu'il a été utilisé pour sa richesse, en fait, il finit par dire: Monsieur le receveur ne sera pas monsieur le donneur, donc je refuse d'être dépouillé. Et voilà, il prend l'ascendant finalement sur l'aristocrate. Donc il y a une sorte de, en creux, même s'il s'agit d'un personnage secondaire, même s'il n'intervient qu'une fois dans l'œuvre de Molière, d'une sorte de prise de conscience par ce Molière qu'on appelait le peintre des mœurs, hein, celui qui décrit, qui convoque dans la comédie la société de son temps et qui ne se contente pas de recycler à l'envi des schémas traditionnels, de ce personnage nouveau qui est vraiment au cœur du colbertisme, hein, l'homme de finance. Une thèse de Daniel Dessert a montré que même si le discours de Colbert est très très très rigide sur la question des dépenses, en fait, les financiers n'ont jamais été aussi nombreux dans l'appareil d'État et aussi puissants. Donc on est vraiment aussi dans le début de l'économie moderne, de la financiarisation de l'économie, de la mise en œuvre d'une économie de plus en plus monétaire, en fait, hein, même si le fétichisme de l'or reste prédominant. Donc voilà, on a cette trace-là dans Molière. Et on peut faire le raisonnement exactement inverse. Ça a été fait par certains critiques de Molière. Il y en a même un qui s'appelle Tsonev qui a dit que Colbert avait interdit à Molière de se moquer des hommes d'argent et que donc c'est pour ça que finalement la satire de l'argent est relativement modeste dans les pièces de Molière. Donc on peut aussi voir la trace de Colbert dans cette grande parcimonie avec laquelle sont abordées, malgré évidemment le grand modèle de l'avare, mais l'avare c'est un personnage de l'ancien monde en fait, c'est l'économie de l'ancien monde qui est moquée et pas du tout l'économie moderne. Donc voilà, il y a à la fois une présence et une absence qui signifie l'ombre projetée de Colbert sur l'épaule de Molière. Ah bah oui, il fallait qu'il soit avec nous, l'avare. De quoi est-ce qu'on parle là ? De celui qui m'a dérobé ? Quel bruit fait-on là-haut ? Est-ce mon voleur qui y est ? De grâce. Si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là ? Parmi vous ? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont peur sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite. Des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gels, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même. Après. L'avare de Molière, oui, bravo, en 2009, mise en scène de Catherine Yégala, c'est Denis Podalydès dans cet avare-là, Martial Poisson. Donc c'est bien ça, c'est l'avare, c'est celui qui garde l'argent pour lui, mais du modèle économique, on peut dire qu'il est daté, c'est pas ça que propose Colbert. Il est en fait une trappe de richesse, hein, puisqu'il décide, lui reste prisonnier du fétichisme de l'or, donc il va enterrer dans son jardin, dans sa cassette, des kilos d'or de monnaie sonnante et trébuchante, et donc c'est autant d'argent qui est prélevé à l'économie, en fait, qui est stérilisé d'un certain point de vue. Et il y a vraiment une réflexion dans l'avare sur ce personnage qui est à la fois un vieillard impuissant, rêvant de renouer avec une vie sentimentale et affective, et puis un agent économique défaillant qui n'a pas compris que la richesse désormais ne repose plus dans la thésaurisation monopolistique de l'argent, de l'or, mais au contraire dans la mise en circulation de la monnaie, dans l'échange, et que ce qui permet l'appréciation économique, c'est-à-dire en fait la prise de valeur, la création de valeur, c'est justement cette circulation frénétique dont le reflet dans la pièce est le fils, finalement. Le fils qui est le personnage du prodigue et qui est le vrai personnage moderne, finalement, porteur en tout cas de cette conception nouvelle de l'économie. C'est sympa quand même d'avoir des historiens, parce que ça permet de mieux comprendre les classiques. La fortune du colbertisme, État et industrie dans la France des Lumières. Philippe Minard, c'est votre ouvrage. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, vous aussi directeur d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. On parle beaucoup de Colbert. Colbert, le colbertisme. Martial Poisson vient de l'évoquer, il n'est pas tout seul. Ça a une incidence sur beaucoup de gens. C'est une histoire sociale aussi que cette histoire du colbertisme. Oui, c'est une histoire sociale d'abord des élites et puis ensuite des couches populaires. Parce que dans la politique de Colbert, il y a un élément tout à fait central, qui est l'idée qu'il faut mettre au travail la France. Que l'ennemi, c'est le feignant, l'oisif. Même le moine est suspect. Il y a dans le colbertisme et donc dans son idée de produire pour exporter une visée populationniste. Il faut peupler la France parce que une population nombreuse est une source de gloire pour le roi et aussi une ressource militaire potentielle. Et il faut produire. Produire permettra de faire rentrer plus d'impôts, de mieux nourrir la population, et la mise au travail donc est cruciale. Donc en quelque sorte, Colbert anticipe ce que le XVIIIe siècle nous dira de la nécessité de réhabiliter le travail et le travailleur, et même le marchand, qui est une figure un peu suspecte, qui n'est pas au centre de la société d'Ancien Régime, qui évidemment est dévalorisé par l'idéologie nobiliaire, même le marchand se trouve un petit peu réhabilité. Colbert va multiplier les édits qui visent à indiquer à la noblesse que si elle fait du commerce en gros, elle ne déroge pas. Et donc, il y a une tension entre les objectifs économiques de Colbert et puis les réalités sociopolitiques de la société française. Mais tout cela doit être mis au service de la gloire du roi. La cour et Versailles sont des instruments politiques, ce sont des vitrines. La prodigalité du roi a un effet publicitaire, comme l'a indiqué Martial Poisson tout à l'heure. Mais la cour et Versailles, ce sont aussi des instruments de domestication. Je serais peut-être un tout petit peu moins optimiste ou positif que mon collègue concernant la politique culturelle. Elle ressortit tout de même un peu de l'enrégimentement. Les commandes que passe Colbert via l'institution des bâtiments du roi, les pensions qu'il distribue à ceux qui sauront entrer dans ses desseins, la façon dont il met la main sur la bibliothèque du roi, dont il crée l'Académie des inscriptions, dont il instrumentalise l'Académie royale de peinture et de sculpture, avec la création de l'Académie d'architecture en 1671, la création sous tutelle royale du Journal des savants comme organe de diffusion scientifique, l'instrumentalisation qu'il fait de l'Académie royale des sciences, la politique inclut la culture et fait de la culture un instrument de gestion des populations. Et de la même façon, le jeu qui s'opère avec la noblesse est un jeu assez subtil, puisque d'un côté, on veut en quelque sorte la domestiquer par la courtisanerie. Il s'agit de faire de chaque noble à Versailles un laquais du roi, très heureux de tenir la porte ou d'apporter la chaise. Mais en même temps, cette noblesse, c'est sur elle que l'on s'appuie en secret, par derrière, via des hommes-liges, via des financiers qui sont des prête-noms. Daniel Dessert, en effet, a bien montré que la politique royale nécessitait beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce que les impôts peuvent rapporter. Donc, Louis XIV emprunte, il emprunte sans cesse, officiellement aux financiers, que l'on décrit, et la littérature du XVIIe siècle est pleine de ces portraits négatifs des laquais de finance, que l'on va même mettre en justice de temps en temps s'il y a un excès qui est signalé. Mais derrière ce théâtre d'ombre qu'est le procès du laquais de finance, il y a des gens qui apportent des sommes colossales, dont le roi a besoin d'une mobilisation très très rapide lorsqu'il décide de faire la guerre. Qui apporte cet argent ? Toute la grande aristocratie, celle qui se prête au jeu des courbettes à Versailles, est en fait celle qui tient le roi dans ses mains par les emprunts. Et c'est là que Louis XIV est éminemment contradictoire et que Colbert n'a pas pu l'empêcher. Colbert se rend bien compte que les guerres vont coûter une fortune et creusent des déficits abyssaux et qu'il faut sans cesse emprunter des sommes que l'on n'est pas sûr de pouvoir rembourser. Et que donc cela oblige le roi à des compromis subtils avec la noblesse qui est prêteuse en dernier ressort. Mais ces finances ne seront jamais garanties et l'effort de Colbert pour équilibrer le budget est en déroute à partir des années 1670. Cela veut dire que malgré Colbert, Louis XIV a allumé la bombe à retardement qui va ruiner l'Ancien Régime. Car ce qui se passe en 1789, c'est l'explosion de la bombe qu'est le déficit causé par les guerres de Louis XIV. Louis XIV a scié la branche sur laquelle il était assis d'une certaine façon par une politique de guerre beaucoup trop coûteuse. Donc il y a des jeux subtils et Colbert est un des éléments là-dedans. Il est quelquefois la source de certains ridicules et de certaines risées. Après tout, si l'on regarde le bourgeois gentilhomme, le Molière de 1670, ce marchand de draps enrichi, on peut y voir d'une certaine façon un portrait du Colbert officiel, celui qui a forgé la légende du petit marchand de draps devenu un formidable ministre. Mais notre bourgeois gentilhomme, notre monsieur Jourdain, c'est aussi peut-être un Colbert que l'on ridiculise pour ses origines dans une société dont les valeurs restent non pas celles de l'argent, mais celles de l'honneur avant tout, l'honneur et la vertu. Le plus important. Ces valeurs aristocratiques. Et pour certains de ses critiques, Colbert est un intrus dans le monde de l'aristocratie. Martial Poirson, est-ce qu'on peut dire que ce bourgeois gentilhomme, c'est une petite critique sur Molière, sur Colbert de Molière ? Alors, il y a plusieurs lectures du bourgeois gentilhomme, et c'est très intéressant d'ailleurs de voir, selon les mises en scène, le point de vue qui va être adopté. Molière, n'oublions pas, était lui-même aussi fils de marchand tapissier. Il y a cette vision, effectivement, qui consisterait à ridiculiser cette classe montante, cette classe des marchands enrichis par tout ce système de délégation de la perception de l'impôt et de surendettement de l'État qui oblige à multiplier les intermédiaires, les prêteurs d'argent. On se souvient que Colbert a aussi libéralisé le marché du prêt, enfin du prêt à intérêt, qui était encore une question un peu compliquée à l'époque. Et en même temps, on peut aussi voir dans le bourgeois gentilhomme, et c'est toute la beauté de ce personnage, un personnage résolument moderne, puisque c'est quand même celui qui dit que par l'argent qu'il a acquis par son travail, il est en mesure de rivaliser avec la classe oisive, la classe aristocratique, celle qui n'a eu que le mal à se donner de naître et qui est finalement de facto dans le premier cercle. et que dorénavant, par le savoir, hein, n'oublions pas que la pièce s'ouvre quand même sur un dialogue assez cynique entre le maître de danse et le maître de chant qui explique que ce monsieur Jourdain ne comprend absolument rien aux arts, mais que la soupe y est bonne et que comme ils sont bien payés, ils vont pas se poser de questions. C'est eux qui sont ridicules en fait, puisque là, le Jourdain en fait est sincère dans son appétit de connaissance, notamment cette fameuse scène où il raconte qu'il est beau, qu'il est beau de savoir des choses. Il y a une sorte d'émerveillement, de voilà, et on peut faire une lecture totalement anachronique, mais qui est en fait contenue en germe dans la pièce. Comme la naissance aussi d'une forme de méritocratie. C'est par ce pouvoir acquis par l'argent qu'il est en mesure de rentrer en rivalité, ce qui sera en fait toute la question du XVIIIe siècle, avec cette classe aristocratique qui est fondée sur de toute autre valeur, l'honneur certes, mais un certain détachement par rapport aux choses et un mérite en fait qui se réduit à une gloire militaire ou à des valeurs qui restent encore celles de la société guerrière. Donc à travers ce passage de ce que Norbert Elias appelait la curialisation des guerriers, c'est-à-dire l'aristocrate devenu courtisan, le chef de guerre devenu aspirant à se maintenir en fait dans une rivalité permanente avec ses concurrents dans le premier cercle du pouvoir, il y a vraiment cette lecture aussi de ce que l'économie moderne est en train de faire à la société. Et ça, c'est aussi une grande originalité de Molière, qu'on retrouve aussi dans le Don Juan, autre personnage d'aristocrate qui comprend absolument rien aux règles de l'échange et qui continue à être dans une relation asymétrique, pensant que l'argent se donne, enfin qu'il n'y a pas de contrepartie en fait à la relation de l'échange monétaire. Molière a compris au contraire que cette monétarisation de l'économie, cette entrée en majesté des relations d'échange dans la société va être en fait une bombe à retardement et à terme entraîner une sorte de dislocation de la société d'ordre, de ce cloisonnement absolu entre les castes qui était en fait le fondement de la société depuis des siècles. Présenter Colbert comme un bourgeois choisi par Louis XIV pour mettre au pas la noblesse, on le sent bien, c'est beaucoup trop simple cette analyse-là, Philippe Minard. Il est le reflet, comme le théâtre de Molière, tel que lu par Martial Poisson, l'est aussi, des tensions qui traversent la société d'Ancien Régime. Une société qui a été historiquement fondée sur la hiérarchie et sur la fixité. Chacun a sa place, chacun a son rang. Songeons à l'impôt de 1695, on est après Colbert certes, la capitation qui prévoit 22 catégories de contribuables, divisé en 569 rangs. La société d'Ancien Régime est une société qui s'épuise à classifier, à catégoriser, à mettre chacun à sa place, avec une homologie très forte entre la hiérarchie sociale et la hiérarchie des consommations. Chacun son rang, chacun sa consommation. Et tout cela, la société commerciale montante le travail de l'intérieur, le distors et le fait craquer. C'est ça qu'on voit effectivement dans les tensions qui traversent la pièce du bourgeois gentilhomme. Et Colbert est tendu entre ce qui est l'incarnation de son propre parcours et puis les valeurs dominantes qui restent celles de l'honneur et de la vertu et du combat et de la gloire du roi et pas celles de l'argent. Et pourtant, l'argent est nécessaire puisqu'il est le nerf de la guerre. Eh oui, parce que c'est ça, on sent que cette réflexion autour de l'argent ne se limite pas juste à une idée d'enrichissement, mais c'est cette idée de gloire que vous évoquiez, Martial Poisson. Colbert meurt en 1683, le colbertisme, lui, ne disparaît pas, parce que, bien sûr, on imagine que cette politique est tenue par un homme, mais non, ça continue toutes ces réflexions-là, puisque la gloire du souverain, c'est une nécessité même pour ce pouvoir. Le colbertisme a façonné effectivement la société française prémoderne et moderne, a inventé un nombre d'institutions, de règlements et de lois tout à fait faramineux. Et même si dans les années qui suivent la mort de Colbert, il va y avoir une tentative par Louis XIV de d'épuration finalement de la classe politique et de limitation de l'influence qu'il avait pu acquérir, on sent que ces hommes de main restent pour partie en place et que l'idéologie va se perpétuer parce qu'elle répond aussi à une nécessité politique. Une nécessité politique. Philippe Minard, vous avez travaillé sur la fortune du colbertisme. Il faut se souvenir que dans l'esprit de Colbert, tout ce qu'il a mis en place, c'était des béquilles provisoires. C'est pour suppléer aux défaillances de l'entreprise privée et de l'investissement privé qu'il met en place ses privilèges, ses subventions, ses règlements. Simplement, ce qui était provisoire, Colbert répétant sans cesse, l'industrie est dans l'enfance, il lui faut des béquilles pour lui apprendre à marcher, eh bien, ça s'est trouvé prolongé et c'est tout le travail des économistes et des administrateurs du XVIIIe siècle que d'essayer de gérer cet héritage en faisant la part de ce qu'il faut conserver de soutien de l'État à l'activité économique et ce qu'il faut donner à ce qui était l'objectif initial, c'est-à-dire la liberté. Et le dilemme des administrateurs du XVIIIe siècle, de Daniel Trudaine, Vincent de Gournay, puis ensuite Turgot et Necker même, ils sont travaillés par qu'est-ce que on doit conserver de cette stratégie d'impulsion ? Est-ce qu'elle est toujours nécessaire ? Et malheureusement, elle est toujours nécessaire à cause du déficit, parce que un capitaliste, un détenteur de capitaux dans l'industrie, il va faire 5% de bénéfices, dans l'agriculture 4 ou 5%. S'il investit dans la finance royale, il va faire du 20% de bénéfice. Et donc les capitaux vont toujours faire défaut et c'est là où la monarchie creuse elle-même sa tombe par ses emprunts permanents pour faire la guerre. Elle absorbe les capitaux disponibles et donc ils font défaut à l'investissement privé, à l'investissement productif. Une histoire économique évidemment avec le colbertisme, une histoire culturelle aussi, on l'a bien entendu, et une histoire sociale qui se poursuit après le règne de Louis XIV, qui se poursuit encore durant tout le XVIIIe siècle. Daniel Roche. Oui, c'est effectif que le pouvoir économique de la noblesse sur la seigneurie est une chose, mais que tous les seigneurs ne sont pas que des nobles, et que c'est une des erreurs qu'on nous avait enseignées sur ce problème. Et moi, je voudrais ajouter une autre dimension aux trois qui ont déjà été données, c'est la dimension culturelle. Il y a une culture aristocratique qui définit très bien l'appartenance au groupe. Ah oui, mais... Et même si cette culture n'est pas sans changement de la fin du XVe siècle au XVIIIe siècle, et c'est là un des problèmes fondamentaux dont nous pourrions peut-être débattre. Daniel Roche, qui s'exprimait en 1978 dans les Lundis de l'Histoire. Daniel Roche, qui vient de nous quitter demain dans le cours de l'Histoire sur France Culture. Nous consacrons une émission spéciale en hommage à Daniel Roche. Philippe Minard, vous avez soutenu votre thèse sous la direction de ce grand historien. C'était une thèse sur l'inspection des manufactures en France de Colbert à la Révolution. Oui, c'est lui qui a inventé le sujet en me téléphonant un jour à 7h30 du matin pour me dire « ça y est, j'ai trouvé, j'ai une idée ». Parce que j'avais dit « je veux faire quelque chose entre l'économie et l'État ». Et il a inventé le sujet de l'inspection des manufactures, ce qui m'a permis de faire une relecture de toutes les contradictions du colbertisme et du libéralisme au XVIIIe siècle. C'est toujours émouvant d'entendre la voix de son maître et puis surtout d'un homme de cette qualité. Daniel Roche a été un pionnier, un inventeur dans plein de domaines. Et sans lui, l'histoire du XVIIIe siècle ne serait pas ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est aujourd'hui. Il était le promoteur d'une nouvelle histoire socioculturelle en appliquant les méthodes de Labrousse au monde des Lumières avec l'étude des académiciens de province et l'histoire du livre. Il a vraiment réinventé la manière de comprendre les sociabilités intellectuelles des Lumières. Mais il a aussi été en même temps le pionnier d'une histoire de la culture matérielle avec son grand livre sur le peuple de Paris en 1981, utilisant les inventaires après décès de façon très innovante pour l'époque. Et il a ouvert, avec ce travail, tout un champ d'études sur l'univers des consommations quotidiennes, son livre sur le vêtement, son livre sur les choses banales, le logement, l'eau, la lumière, la cuisine, tous ces éléments très, très matériels qui faisaient la vie quotidienne des gens au XVIIIe siècle. Il a aussi été le pionnier de l'histoire des animaux, à une époque où le label n'existait pas. Sa trilogie sur l'histoire du cheval est à cet égard tout à fait remarquable. Mais ce que je retiendrai le plus de Daniel Roche, c'est que c'était un homme de cœur. Courtois, bienveillant, toujours à l'écoute. C'était un esprit libre, un brin espiègle et rieur, un peu indocile, mais toujours au service du collectif. C'était un animateur formidable, un facilitateur, un passeur. Tous ceux qui ont assisté au séminaire qu'il faisait à l'école l'école des hautes études avec Jean-Claude Perrault. Et puis ensuite, au Collège de France, on put le voir. Au collège, c'était formidable. Il rassemblait ses élèves, ses anciens étudiants, et il leur disait, qu'est-ce qu'on va faire cette année? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? À la Revue d'Histoire Moderne aussi, à la Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, avec Pierre Misa et Caroline Douki, il a été un animateur d'équipe formidable. Et puis pour finir, je dirais que c'était un humaniste, un homme engagé depuis sa jeunesse étudiante à la jeunesse étudiante chrétienne, jusqu'au compagnonnage avec la gauche syndicale et politique, et puis aux côtés de Pierre Bourdieu, pour la défense de l'université et de la recherche publique contre les attaques néolibérales. Et vers la fin de sa vie, il est revenu à son cher peuple de Paris, à travers la figure du compagnon vitrier Ménétra, dont il avait édité le journal, formidable source, ce compagnon vitrier qui, pendant 50 ans, raconte 50 années de sa vie, que Daniel a édité et commenté. Et puis là, tout récemment, il nous avait associés à l'édition de ce qui restait des papiers de Jacques-Louis Ménétra, et ça a donné ce livre que nous avons écrit à 5 personnes autour de lui, qui s'appelle « Les lumières minuscules d'un vitrier parisien », et dont je suis heureux qu'il ait pu voir la réalisation concrète. Il a vu le livre au mois de décembre, et malheureusement, il nous manque aujourd'hui cruellement. Un livre, hein, « Les lumières minuscules d'un vitrier parisien » avec Pascal Bastien, Frédéric Charbonneau, Vincent Milieu, Michel Porret, Daniel Roche et vous, Philippe Minard, évidemment. Dites-nous, Martial Poirson, dans cette réflexion sur travailler sur un objet d'étude, prenons Molière ou n'importe quel objet d'étude, l'apport de Daniel Roche, ça a été aussi ça, beaucoup plus large. Et je dépasse le siècle des Lumières, c'est aussi un regard sur la méthode historique, sur ce que peut nous apprendre toutes ces petites choses, des chevaux, on l'a évoqué, à la culture des apparences, une expression qui est devenue mais incontournable, et c'est tant mieux. Oui, absolument, je rejoins tout à fait cet hommage vibrant qui vient d'être rendu à Daniel Roche. On a tous une dette envers lui, il a su fonder une communauté, il a créé un chercher ensemble, en fait, au point que on a tous effectivement une histoire avec lui. Il a aussi réfléchi, et ça c'est très important, et je pense que toute l'histoire actuelle qui est en train de s'écrire est un peu héritière de ça, à cette micro-histoire, à cette idée selon laquelle il faut changer de focale, et c'est dans les choses les plus humbles, les plus banales, comme il le disait selon son expression, qu'on peut réinventer une histoire globale. Et donc effectivement, le cheval, il l'a très bien montré, est au cœur de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la société des spectacles, depuis la parade équestre jusqu'à cette dimension très très spectaculaire. On est vraiment dans cette vision, la culture des apparences en effet, qui est vraiment une pensée très fine, dont l'extrait qui vient d'être passé était tout à fait emblématique, le passage d'une culture matérielle à une culture de l'ostentation, d'une classe bourgeoise à une société des loisirs. Enfin voilà, on est vraiment dans cette vision dont nous sommes tous héritiers et qui, j'espère, va se perpétuer après lui. Oui, parce que Martial Poirson, vous avez bien raison de le souligner, hein, l'importance de cet héritage de Daniel Roche. Merci vivement à vous deux, hein, Martial Poirson. Je rappelle, hein, tous vos Molières, allons-y, c'est sur le site franceculture.fr, le Molière imaginaire ou la fabrique d'une gloire nationale. Et merci vivement à vous aussi, Philippe Minard, pour cette analyse du colbertisme et cet hommage à Daniel Roche. Pour le moment, nous poursuivons notre émission, le cours de l'histoire, avec le pourquoi du comment. C'est Gérard Noiriel. Pourquoi représenter les communistes avec un couteau entre les dents? Si vous vous intéressez à l'histoire du mouvement ouvrier, vous connaissez sans doute les caricatures qui présentaient les communistes un couteau entre les dents. Mais peu de gens savent que cette caricature a un lien avec l'histoire coloniale. En 1910, le général Mangin avait publié un livre intitulé « La force noire », dans lequel il décrivait les tirailleurs sénégalais comme une troupe de choc capable de soutenir efficacement l'armée française en cas de guerre contre l'Allemagne. Cette thèse fut popularisée dans des caricatures diffusées sous forme de cartes postales montrant un tirailleur sénégalais surnommé Boudou Badabou. Il tenait dans sa main la tête d'un soldat allemand qu'il venait de trancher, comme l'indiquait le couteau plein de sang placé entre ses dents. À partir de 1917, le rejet de la guerre provoqua des soulèvements populaires dans toute l'Europe. L'onde de choc, née lors de la révolution bolchévique en Russie, se répercuta en Allemagne, en Autriche-Hongrie, mais aussi en France. au lendemain de l'armistice, le retour des soldats démobilisés multiplia par 10 le nombre des chômeurs et le coût de la vie s'envola, alors que les salaires restaient bloqués. Cette crise provoqua un puissant mouvement de grève en juin 1919, notamment dans les usines métallurgiques de la région parisienne. Animés par des militants de la CGT, dont l'objectif était de renverser le capitalisme en suivant l'exemple des bolcheviks, cette grève fut un échec. Mais elle fit craindre aux conservateurs que la colère sociale se traduise dans les urnes lors des élections législatives prévues en novembre 1919, ce qui poussa des patrons parisiens à financer la campagne des candidats de droite réunis au sein du Bloc national. Pour alerter les électeurs sur le danger révolutionnaire, ils commandèrent une affiche à Adrien Barrère, un dessinateur très connu qui travaillait pour le théâtre d'épouvante. Celui-ci s'inspira de la caricature de Boudou Badabou pour créer une affiche intitulée « Comment voter contre le bolchevisme ». L'illustration était centrée sur le visage hirsute et mal rasé d'un homme aux yeux hagards qui tenait un couteau sanguinolent entre les dents. Le mot « bolchevisme » était écrit en grosses lettres et le point d'interrogation interpellait directement les lecteurs. Cette affiche s'inscrivait dans une stratégie politique visant à discréditer l'ensemble des forces de gauche qui soutenaient le mouvement social. Elle fut couronnée de succès, puisque lors de ces élections, le Bloc national remporta une écrasante victoire. Au cours des années 30, quand la lutte des classes prit une tournure de plus en plus violente, l'affiche de Barrère servit de modèle pour les anticommunistes qui diffusèrent des caricatures de Staline représentées à son tour avec un couteau entre les dents. Mais lors de la campagne électorale qui précéda le scrutin de mai-juin 1936, les dessinateurs du Parti communiste retournèrent ce symbole contre la droite. Sur une affiche présentant Hitler le couteau entre les dents, on peut lire en grosses lettres « Contre ça, votez communiste ». Vous trouverez sur notre site les liens où sont reproduites ces affiches. Eh bien, nous irons sur le site. Gérard Noiriel, merci beaucoup. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Noé Chaban, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Jeanne Copège, Liane Tilly, Maïwenn Guizhou, à retrouver, à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France. Le récit de la guerre par les envoyés spéciaux et correspondants de France Inter, France Info et France Culture. Isabelle Labéry. Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où en est le rapport de force militaire? Nos reporters et correspondants vous racontent ce qu'ils vivent et ce qu'ils voient, des faits, des témoignages, de l'analyse pour mieux comprendre cette guerre. Guerre en Ukraine, un podcast à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.